cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tahayna bi darsina al-akhir min al-fasl al-thani fi hukm al-nikah. Et le résumé du dernier dars, anna al-zawaj, c'est wajib pour celui qui a peur de tomber dans le haram et qui a al-qudra. فهذا سواجب عليه أن يتزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا أن الزواج فيه خير من سنن الأنبياء والمرسلين هذا الزواج له شروط أي العقد pour se marier il y a des conditions à remplir شيخ ابن عثيمين Il les a cités, rahimahullah, fil fasl al-thalith. Qala, rahimahullah, al-fasl al-thalith fi shurut al-nikah. Shurut, jam'u, shart, ay les conditions. Min husni al-tanzim al-islami wa diqatihi fi shar'i al-ahkam, an ja'ala lil'uqudi shurutan tanzabitu biha, wa tatahaddad biha salahiyatuha lil-nufuz wal-istimrar. هذا الدين الكامل والله سبحانه وتعالى حكيم هذا الدين الإسلام il est fondé sur le Coran والسنة أي la révélation d'Allah سبحانه وتعالى ومن حكمته عز وجل أن جعل لهذه العقود des شروط que ce soit les contrats de commerce ou de mariage ou de location ou autre ما من عقد إلى des شروط فالنكاح له شروط عظيمة لماذا حتى هذا الباب العظيم لأن سان باب il est très très important لماذا لأن c'est un homme qui va se marier c'est une femme qui va se marier ça va les lier dans beaucoup de choses et l'homme il va avoir des devoirs la femme elle va avoir des devoirs l'homme il a des حقوق la femme elle a des حقوق l'islam notre din il a donné beaucoup d'importance à مثل هذه العقود حتى لا أحد يظلم حتى personne ne subit d'injustice. Fa'ala al-muslim qui veut se marier de connaître هذه الشروط, de les respecter, de les mettre en application. Et الذي يجهل شيئا فليسأل. لأن dans ce genre de risala, on ne peut pas tout citer, on ne citera pas tout. لأن c'est une risala résumée via al-bab. La chaque anna, plus on avance dans les fusul, dans les chapitres, ربما بعض الإخوة qui écoutent ou qui sont présents, ils ont des questions. Nous, on ne peut pas tout citer, on n'a pas le qudra de tout citer. Lakin, celui qui est concerné par une situation, fayas'al ahli al-ilm. Amma nous, ce qu'on lit, la parole du Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est des bases. Il cite al-muhim. Et la yatawassa' fil kalam, wa illa celui qui revient à al-sharh al-mumti' de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. وتوسع فيه un livre il a expliqué زاد المستقنع في الفقه في المذهب الحنبلي il l'a expliqué ils l'ont imprimé l'explication de Ibn Taymiyyah en 16 ou 17 volumes et il est mauvais جدا il y a un volume sur le nikah il détaille rahmatullah هذه الأمور et pour vous montrer que les ulama ne détaillent pas tout dans toutes les رسائل مثل هذه الرسالة نحن نقراها après كتاب التوحيد c'est pour avoir des connaissances sur هذا الباب avoir des bases wa illa va at-tawassu' c'est pas huna c'est pour ça que robama al-ba'd ils ont des questions où ils se demandent pourquoi on n'a pas cité hada là l'ilm c'est pas comme ça l'ilm tu dis pas tout tu cites pas tout tu peux pas tout citer khassatan fi hadi al-abwab comme une as'ila si on prend que le premier shart rida az-zawji on peut se poser plein de questions mais si mais pourquoi mais si et à la fin on arrive avec des dizaines de questions maîtriser awwalan هذه الابواب ثم tu as deux cas imma tu es concerné par une question tu peux pas attendre mathalan akhun inshaallah il va se marier qariban et il a une question sur le deuxième point qu'on va voir ensemble al-wali lakin si le wali est comme ça si le wali veut pas et il se pose des questions il est confronté à cette situation هذا طيب il demande فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لماذا لأن il a besoin Et s'il ignore cette chose, Rubbama, il sera injuste envers lui-même ou envers les autres. Il a akhira, il demande. Deuxième cas, tu n'es pas concerné directement. Imma, tu es déjà marié et ces étapes, tu les as passées. Imma, tu n'as pas encore l'intention de te marier ou tu n'as pas les moyens. Mouhim, tu n'es pas concerné directement. On conseille, il veut tout savoir les masa'il. Et on fait attention à la curiosité fil l'ilm. La curiosité qui est mal placée, ça fait beaucoup de mal. L'insan, il va perdre son temps là. Étudie, elle est très simple, ça va te donner des bases. Thumma, si tu veux al-mazid, tu étudies un livre de fiqh et tu verras que le kitab al-nikah, il est da'iman cité, un chapitre sur al-nikah, le mariage, et tu verras que par rapport au niveau, al-ulama yatawassa'un. Falihada, Cheikh Ibn Uthaymeen, tawassa'a jiddan fi sharh al-mumti'a. Fahakada al-ilm, ça c'est un tambih. Limada, il y en a dans ce genre de rasail. Il y a beaucoup de questions. Et certaines questions, na'am, l'insan, il en a besoin, et certaines questions, si l'insan, il n'en a pas besoin, on met en application ce qu'on connaît, et ce qu'on a besoin, on demande, ce qu'on n'a pas besoin directement, et on fait des efforts vers l'ilm, et ce que tu n'as pas vu dans cette risa-là, tu verras dans une autre. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فكل عقد من العقود له شروط لا يتم إلا بها وهذا دليل واضح على إحكام الشريعة وإتقانها نعم كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم ديني الكامل هذه الشريعة اللي بخفت لماذا؟ لأن شريعة الله عز وجل هذه الأمور كي سنسيتس في مصلحة العباد. Et vous verrez les points, c'est واضح. Al-fitra, elle accepte هذه الأمور. Et c'est في مصلحة الرجل والمرأة. فلهذا, on conseille nos frères, on conseille nous-mêmes, أولا, de mettre en application هذا. C'est في مصلحة الرجل والمرأة. Beaucoup de problèmes de couple, c'est dans un point qui n'est pas mis en application. L'obéissance du mari, wallahi, c'est في مصلحة المرأة. Même si c'est des choses des fois qui la dérangent ou elle n'est pas d'accord, si cette chose c'est le mari qui doit décider, l'obéissance fi maslaha. Le respect c'est fi maslaha al jami'. Faire des efforts fi l'ibada c'est fi maslaha al jami'. Avoir un wali c'est fi maslaha al jami'. Imaginez un temps des si y aurait le mariage bidoun wali, il y aurait des mafasid kathira. Anahada, il va se marier seul, cette femme, elle va se marier seule, thumma, ça ouvre des portes de char, mais al-mar'a dha'if, le premier venu, Rubbama, il lui fait croire des choses et elle accepte, wa hakada, une fitna azima. Là, dinuna, il est kamel. Chaque chose à sa place. C'est pour ça que quand il y a un problème, on ne doit pas chercher, da'iman, le problème ailleurs que nous-mêmes. Pardon, ils ont des problèmes, ou du dha'f, que ça soit dans cette mas'ala. Et ils recherchent toujours le problème vers les autres. Là, quand il y a un problème, en général, le problème, si tu es touché, regarde nafsak. Tu verras que kathiran, ça vient de toi. Thumma, tu regardes. Tu regardes s'il y a un manque, tu essayes de le faire. S'il y a une erreur, tu demandes pardon, t'astaghfir, wa hakada. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, wa annaha ja'at min ladun hakimin khabirin ya'lamu ma yuslihul khalq. هذا سفي جميع الأبواب أن هذه الشروط qu'on va lire ensemble inshallah vous verrez ces شروط ils sont fondés sur القرآن و السنة سفي مصلحة الخلق. On n'a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Là, on fait des efforts في التطبيق. الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل. قال ويشرع لهم ما يصلح دينهم ودنياهم ما يصلح به دنياهم دينهم ودنياهم حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود لها. أما si on s'écarte du din, l'amour تكون فوضى. الفوضى c'est quelque chose qui n'est plus organisé. Tout le monde parle, tout le monde halal, tout le monde haram, tout le monde dit c'est autorisé, c'est pas autorisé, sans se baser sur al-kitab wa sunnah. Et c'est ce qui se passe dans certains points, que ce soit sur notre sujet, le mariage ou autre. Fawda. Thumma des problèmes. Thumma des regrets. Pardonnez, ils se posent des questions. Limada, leur couple ne marche pas. Limada, ça avance pas. Limada, le couple n'est pas fondé sur ta'atullah wa ta'at al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Limada, imma l'homme n'est pas à sa place, imma la femme n'est pas à sa place. Et ça fait des fitanes. Mais chacun à sa place. La femme a un rôle. L'homme, il a un rôle. Les décisions à prendre, le Coran ou le Sunnah. La femme, elle obéit à l'homme. Al-Nafaqa, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. Les décisions concernant marier l'enfant, on va l'avoir, Inch'Allah, cette masala, ça revient à l'homme. Al-Tasmiya, donner un prénom à un enfant. Ça apparaît, pour certains, grâce à certains de ceux qui n'ont pas eu d'enfant, ça apparaît quelque chose de très simple. Wallahi, ça a divisé des couples. Belbardohum, ils sont, Obama, deux doigts de divorcer par rapport à le choix du prénom de l'enfant. لماذا لأن إما لوم إلي باسا بلاس إما لفان إلي باسا بلاس مع أن العلماء الإمام ابن القيم رحمه الله في dans son كتاب تحفة المودود رحمه الله بين أن التسمية سي من حقوق الأب سي لو بير كي شوازي لو برينو أما نحن في دون une époque الآن أن certaines femmes ربما elles s'accrochent pas au kitab à la sunna elles comprennent pas هذه المسائل et pour elles si elle a une fille c'est elle qui doit donner le prénom. Enfin, si le mari il décide un prénom qu'elle ne veut pas, Obama, ça fait une fitna azim. Alors que c'est un prénom. Tant que le mari choisit un nom tayyib, walillahi alhamd, il n'y a pas de mukhalafa shar'iyya, et il lui donne un nom tayyib d'une sahabiyya, alhamdulillah, l'essentiel c'est l'éducation de cet enfant, et faire des efforts pour éduquer cet enfant qui soit à la ta'atillah et qui profite pour le père et la mère. Bi'idnillahi azza wa jalla. On vit une époque on est beaucoup attaché à ce genre de choses. Haqiqa, ta fille, qu'elle s'appelle Khadija ou Aisha, est-ce que ça va changer quelque chose? Elle s'appelle Khadija, alhamdulillah, elle s'appelle Aisha, alhamdulillah. Si on a un khilaf, est-ce qu'on l'appelle Khadija ou Aisha, maintenant un couple, ça revient au père, c'est ça l'as. Al-Rijal Qawwamoun al-Nisa, hakada qala Allah Azza wa Jal. On ne dit pas ça, Mimbab. Anana, on est des hommes et. On veut que c'est toujours l'homme qui a raison. Evident. Hada, c'est fondé sur le kitab ou sunnah. Certains, ils ont été touchés par les pensées de l'gharb. Aïfil hukouk, anna la femme, elle a tel droit, anna kada, ou kada, pour l'homme, anna ou kada, kada. Et ahyanan, ou ba'da nas, ils délaissent le kitab ou sunnah dans ces masaïl, thumma, ils tombent dans les problèmes. Anna le muwaffaq, il ne regarde pas ce que le gharb disent. Le gharb c'est le kahara. Il ne regarde pas ce que Haoula disent. Haoula ils ne veulent pas notre bien. Celui qui veut notre bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé un rasoul rahmatan lil alamin pour nous démontrer notre bien. Enfin on revient à hada. L'homme il se soumet, la femme elle se soumet. Et vous verrez hada al-rajul wa hadi al-mar'a ce couple, ils vivront fi sa'ada. Chacun à sa place. Et les enfants ils seront fi sa'ada. Amma, iyadam billah, des disputes et des divergences khilaf kabir, pour ce genre de détails, ça montre al-jahl. Ou wa'adhum, ils savent, lakin, al-hawa. Al-haqiqa, la femme, elle ne se rabaisse pas à son mari-là, elle se rabaisse lillah, azza wa jal. Et l'homme, il n'impose pas sa femme pour lui imposer la ta'atan lillah, azza wa jal. Il regarde al-anfa'a, il regarde al-maslaha. Wallah al-musta'an. Qala, حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود لها ومن بين تلك العقود عقد النكاح فعقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي وهو أهمها. Il va citer deux shorts. Le premier, rida al-zawjain, ay que l'homme soit d'accord et la femme elle soit d'accord. Et le deuxième, al-wali. Et inshallah, s'il faut rajouter certaines choses, on rajoutera dans le dars suivant prochainement inshallah. قال رضا الزوجين فلا يصح اجبار الرجل على نكاح من لا يريد ولا اجبار المراه على نكاح من لا تريد. هذا c'est valable pour l'homme ou pour la femme. On n'a pas le droit d'imposer à un homme de se marier avec fulana si il a pas envie. وهكذا la femme, on n'a pas le droit de lui imposer de se marier avec tel homme si elle a pas envie. وهذا ça arrive خاصة certains parents. Certains parents, ils veulent imposer à leur fils de se marier avec fulana, imma leur voisine, imma elle fait partie de la famille, la akhiré. Oh, ils veulent imposer à leur fille de se marier avec fulana. Imma c'est un cousin, imma c'est un voisin. Si ce garçon ou cette fille, ils ne veulent pas, voilà, il est ça montre l'islam c'est une rahma. Contrairement à ce que l'islam ils essayent de faire croire. La femme, elle est opprimée, C'est cette fikra qu'ils ont kathir en fil gharb. Khas, certains par rapport à Ahle Sunn. Annahum, ils marient leur fille avec un tel et ka'anna ce père lui laisse pas le choix. Là, c'est du kadhib. Même si ça arrive, là, chaque ça arrive, بعض المسلمين qui agissent hakada, lakin c'est des juhal. Wallah, ma sunnika ala ilm, tu le trouveras, c'est min arham al-aba, avec sa fille. Qala, rahmatullah alayhi, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر الأيم هي الثيب أي التي فارقت زوجها لموت أو طلاق c'est une femme qui a déjà été mariée لا تنكح الأيم الأيم c'est le contraire de البكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن فالأيم c'est celle qui a perdu son mari إما il est mort إما un divorce المهم elle est plus بكر elle est plus vierge فهذه حتى تستأمر أي العلماء ils expliquent هذه الكلمة تستأمر أي طلب الأمر أي لا تزوج لا يعقد عليها حتى يطلب منها et on est obligé de lui demander est-ce qu'elle veut Amla si elle dit oui alhamdulillah si elle dit non il n'y a pas de mariage et on n'a pas le droit de la marier via dalhal li annaha la veut pas qalu la tunkah al bikr hatta tusta'dhan amma al bikr fa il faut lui demander kadalik la permission wa sayati ma'ana anna idnaha c'est sukutha si elle se tait c'est qu'elle accepte si elle dit non on n'a pas le droit de la marier li annaha elle veut pas. Et la différence entre al-thayyib ou al-bikr est واضح. Al-bikr probablement al-haya, la timidité, elle a jamais été mariée, probablement cette timidité l'empêche de dire na'am. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que si elle se tait, c'est qu'elle veut. Si elle dit non, falhamdulillah, c'est qu'elle veut pas. Qalu ya Rasulallah, wa kayfa idnuha? Qala an taskut. Al-hadith il est fi as-sahihayn. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء أكانت بكرا أو ثيبا نعم أن تزويج المرأة بدون رضاها que cette femme elle a déjà été mariée c'est une femme divorcée ou son mari il est mort ou cette femme elle a jamais été mariée فلا يجوز on n'a pas le droit de la marier sauf si elle veut قال إلا أن الثيب لابد من نطقها بالرضا وأما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها ربما تستحي عن التصريح بالرضا نعم كما تقدم أما celle qui a déjà été mariée هذه elle est obligée de dire oui si elle veut et de montrer qu'elle veut أما البكر فلا si elle se tait ça montre qu'elle est d'accord لماذا كما قال شيخ ابن العثيمين ربما تستحي عن التصريح peut-être que la timidité l'empêchera de dire clairement qu'elle veut. Si elle se tait, ils connaissent leur fille et ils savent très bien que s'il lui propose, elle arrive à l'âge de se marier, il lui propose et elle se tait, elle ne rentre pas dans les détails, c'est qu'elle veut. Mais la fille qui ne veut pas, même si elle n'a jamais été mariée, elle dira non. Elle n'aura pas de timidité. La timidité ne l'empêchera pas de dire non. C'est ma'rouf. قال وإذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليها أحد ولو كان أباها لقول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها si elle ne veut pas se marier فلا يجوز أن يجبرها الجبر c'est هنا c'est واحد إلا فخص لا لا يجوز même son père là son père il a le droit de faire نصيحة Son père, il a le droit de lui montrer les bienfaits du mariage. Son père, il a le droit de lui montrer Anna, c'est pour son bien. Enfin, le dialogue, Riyad al-Had, c'est tayyib. Sans exagérer. Là, qalilan, qalilan. Et si on voit que cette fille, elle n'est pas prête et elle ne veut pas, il est juste de la forcer. Et la forcer, en fait, c'est pas fi maslahatiha. Et c'est pas fi maslahati al-rajul qui veut se marier avec elle. Anna, si elle ne veut pas, ça ne durera pas. ثم ربما سافني avec un talaq et cette femme elle finit toute seule après avoir été mariée donc elle est divorcée ربما ça lui fait du mal encore plus فلا يجوز الانسان هذه الامور يمشي على بالتعقل تع Ta'aqqul, et il réfléchit, et ta'anni, les parents ils se conseillent, et ils regardent ce qui est le plus profitable pour la fille. Et ça arrive beaucoup, la fille elle veut pas, matalan fulan, et un autre elle voudra, ou cette période elle veut pas, elle est pas prête, thumma, quelque temps après elle veut, va ta'anni. Khassatan quand elle est jeune, alhamdulillah. قال ولا إثم على الأب إذا لم يزوجها في هذا في هذه الحال لأنها هي التي امتنعت ولكن عليه أن يحافظ عليها ويصونها هذا سنتنبه طيب أولا لا إثم على الأب لأن بعض الآباء ils pensent que si elle se marie pas c'est lui le responsable لا il a pas d'ithm il y a aucun mal il a pas de péché c'est sa fille qui veut pas هو il a fait le nécessaire فالحمد لله لكن et ça c'est le deuxième tenbih Anna, si cette fille, elle veut pas, donc elle reste تحت رعاية الأب, c'est lui le مسؤول عنها. Anna, la fille, si elle se marie, plutôt, elle passe sous la responsabilité de son mari. Son mari, c'est lui le responsable. Amma, رياض الحال, si elle se marie pas, c'est le père. Donc, كما قال شيخ ابن عثيمين, يحافظ عليها. Il prend soin d'elle, ويصونها, et il la préserve contre الأشرار, et alhamdulillah. Comme avant cette demande de mariage. Elle m'a l'humilié et sans cesse lui rappeler elle n'a pas voulu se marier elle n'a pas voulu se marier elle n'a pas voulu se marier c'est une femme et elle a le droit d'attendre elle n'est pas obligée d'accepter directement si deux hommes ils se présentent et ils demandent la main de cette fille et elle montre qu'elle veut Foulan, un des deux. وَقَالَ وَلِيُّهَا تَزَوَّجِ الْآخَرِ زُوِّجَتْ بِمَنْ تُرِيدِ هِيَ إِذَا كَانَ كُفْءًا لَهَا Si deux se sont présentés, et Hiya choisit un, et son père choisit l'autre, et lui dit de se marier avec l'autre, son père doit la marier avec celui qu'elle a choisi elle, pas celui qu'elle a choisi lui. خَاصَّةً إِذَا كَانَ كُفْءًا لَهَا أي قادرا على المسؤولية s'il est capable et ولله الحمد on peut rien lui reprocher أنه il est pas capable au fidine et à l'akhir si on prend maintenant deux hommes qui sont pareils alhamdulillah les deux ils font salat les deux ils sont à la hal hasan les deux ils ont qudra على المريض on choisit celui que la fille a choisi même si le père est penché plus vers l'autre قال أما إذا كان غير كفء فوليها أن يمنعها من زواجها به والإثم عليه ولا إثم عليه في هذا الحال أما si celui que la fille elle a choisi il est pas capable مثلا الأب il a vu quelque chose qui va pas إما il est pas capable عن المسؤولية il s'est renseigné أنه c'est un homme فيه كذا وكذا et il l'empêche فلا إثم عليه بل في هذا الحال il doit l'empêcher لأن ce père il sait mieux le maslaha pour sa fille cette fille, si elle est jeune, elle n'a jamais été mariée. Elle ne connaît pas encore ce monde. Elle ne connaît pas Al-Rijal. Ou Al-Abi connaît beaucoup de choses. Obama, il s'est renseigné. Ce n'est pas le maslaha de que cet homme il se marie avec sa fille. Il ne donne pas l'autorisation. Et ça vous montre l'importance du wali. Ne pas comprendre Anna, la fille, c'est elle qui décide. Donc celui qu'elle a choisi, forcément, elle va se marier avec là. Là, elle a le choix, c'est elle qui choisit. Thumma, l'acte il est valable si le père il accepte. C'est pour ça que le deuxième shart c'est al-wali. Lakin huna an-nasiha c'est que le père il soit juste. Comme il al-aba il refuse, fait la haqiqa, des certains hommes qui veulent se marier avec leur fille. Et fait la haqiqa, cet homme il a rien à se reprocher. Fi dinihi, alhamdulillah, il a la capacité, alhamdulillah, il est aqil. Et il est conseillé par ses proches et la akhira lakin al-ab imma tam'a fi ad-dunya imma il veut de l'argent imma il espère qu'un autre plus riche vienne imma ayadan billah ba'dhum 'asabiyya 'unsuriyya annahu il est pas de son pays aw min hadhihi al-umur hadha la yajuz c'est du dhulm fa al-ab la bud an yattaqi Allah subhanahu wa ta'ala c'est une mas'ouliya c'est une amana fa il a pas le droit de Il n'a pas le droit d'agir bidjal et en suivant ses passions. Et Cheikh Al-Uzaymin, il va nubbah dans le deuxième point. Qala thaniyan al-wali. Donc al-wali, c'est le responsable de cette fille. Qala vala yasih an-nikah bidun wali. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل سواء باشرت العقد بنفسها أم وكلت فيه. Donc pour que ce acte soit valable, et vous avez suivi, les étapes. La première étape, c'est qu'un homme, il est intéressé, il veut se marier avec cette fille. Donc il va se présenter. Thumma, la fille, est-ce qu'elle accepte ou non? C'est le premier shart, al-rida. Et l'homme, kadhalik, s'il est venu, c'est qu'elle accepte. Alhamdulillah, le premier shart, il est réglé. Thumma, bien sûr, il y a des choses, sur l'intérieur, là, c'est un exemple. Si l'homme, il n'est pas capable, le père, il refuse ce qu'on a cité. Thumma, al-wali. La bud min hada. Mathalan, l'homme, il veut. La fille, elle veut. Al-wali, il est obligé d'accepter. Fala yassih, al-nikah bidoun wali. Amma sans wali, la yajou. فلهذا شيخ ابن عثيمين قال فلو زوجت المرأة نفسها c'est une femme elle prend la décision elle se marie toute seule se marie cet homme maintenant il veut l'épouser et elle dit oui et il se marie هذا النكاح il est باطل c'est haram c'est très très grave هذا لماذا لأن الإسلام ferme les portes à la fawda comme تقدم لابد من أب أو من ينوب عن الأب سي الأب إلي بعلا كما سيأتي إن شاء الله ثم سي الولي لدعكار فالحمد لله قال والولي هو البالغ العاقل الرشيد من عصبتها البالغ سوف يسرطر الانفان أي واحد إلا بلاج دولا بيبرتي هذا سعريب كنت سي الفيس مثلا دولا فام أو سون بتي فخير سي لفام لا ديجا يتماريا لفام فيس أو cette femme elle a plus de père et elle a un petit frère enfin, si il n'a pas atteint l'âge du boulour ça ne peut pas être un wali لابد من البلوغ أما si c'est le père فالحمد لله العاقل ça fait sortir le مجنون أما si le père il est malade mentalement ou son frère ou son oncle enfin, on n'a pas le droit de le prendre en tant que wali قال العاقل الرشيد من عصبتها كذلك il cite un cheikh al-kabir, le père s'il a atteint un âge avancé et il ne sait plus ce qu'il fait, il est plus rachid dans ses choix et rubbama ikhtalata, même si c'est le père fi hada al-hal, al-wilaya tasqut anhu et elle bascule vers un autre. Limada li'anna il est obligé d'avoir la capacité, avoir un minimum de discernement pour savoir al-maslaha. Qala mithl al-ab, hada c'est l'asl, c'est le père. الولاية revient au père, c'est ça l'asl. Sauf, bien sûr, si un mani. Mathalan, c'est plus un musulman. Mathalan, il a perdu la raison. Mathalan, il est gravement malade et il peut pas s'occuper de hadith l'humour, c'est autre chose. Amma l'asl, c'est l'ab. Qal wal jad. On a pas un Nashir Mu'azaymin, il a cité l'awliya ala tertib. Ça, c'est important, dans l'ordre. Et ça arrive que le père, Mathalan, il est décédé. On bascule al jad au grand-père. Ça arrive que le grand-père aussi il est décédé, on bascule au suivant. Ça arrive que le suivant, maintenant, al-ibn, il est trop petit. Il n'est pas encore pubère, il n'est pas balère. On passe au suivant, wa hakada. Donc c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Si le premier n'est pas capable, on passe au deuxième. Si le deuxième il n'est pas présent, on passe au troisième, wa hakada. Qala mithl al-ab, le père, wal-jad, min qibal al-ab. Huna, c'est le grand-père paternel. Amma maternel, fala. Tout ce qui est du côté de la mère, que ce soit son père ou son frère, c'est-à-dire l'oncle, ou autre, voilà, c'est par rapport du côté du père. Il va préciser, je vais dire. قال والجد من قبل الأب والابن وابن الابن وإن نزل après le grand-père, le fils ou les petits-fils وإن نزل si on قدر son petit-petit-fils فكذلك si il n'y a plus le père et le grand-père c'est lui le wali avec les شروط. قال والأخ الشقيق الأخ الشقيق c'est le frère, ils ont le même père et la même mère. قال والأخ من الأب ils sont demi-frères du côté du père أما du côté de la mère فلا. قال والعم الشقيق والعم من الأب وأبنائهم الأقرب فالأقرب. Donc c'est dans l'ordre, cet ordre qu'il a cité chez Ibn Taymiyyah. هذا ça nous montre أن بعض الناس ils font l'erreur أحيانا, il y a le frère et il délaisse le frère et il passe par l'oncle. L'oncle, on a tendance à penser que vu que c'est le frère du père, il est plus proche. Lakin, à la hada tertib que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité, le frère, il passe avant. Kadalik, le fils, il passe avant le frère, il passe avant l'oncle. Et tu peux trouver dans certains de ces masaïl, belle dans certains de ces masaïl, dans les livres qui sont plus détaillés, il y a بعض الخلافات عند بعض أهل العلم, لكن لغتك لا سواجي الشيخ بن عثيمين يد الطيب. قال ولا ولاية للإخوة من الأم ولأبنائها ولأب الأم والأخوة لأنهم غير عصبة. Ça nous montre, Anna, pour vous, pour faire simple, Anna, al-asaba, c'est lié avec l'héritage, il a akhiré. Mouim, pour rester simple, Anna, al-asaba, huna, c'est les proches du père. Amma, de la mère, mathalan, l'oncle paternel, s'il n'y a pas le père, le grand-père, le fils, le frère, c'est l'oncle. Si c'est le frère de ton père, naam, c'est le wali de cette femme. Mathalan, cette femme, son père, il a un frère, c'est son oncle. Hada, ça peut être un wali. Amma, si c'est le frère de sa mère, c'est son oncle, kadalik. En arabe, l'oncle paternel, c'est l'am, et l'oncle maternel, c'est le khal. Fal khal, on ne peut pas le prendre en tant que wali. C'est le côté du père. Hada, c'est muhim. قال واذا كان لا بد في النكاح من الولي فانه يجب على الولي اختيار الاكفاء الامثل فالامثل اذا تعدد الخطاب. Si cette femme, cette fille, elle a plusieurs propositions, plusieurs hommes qui demandent, qui veulent se marier avec elle, فالاب, il doit faire le choix. Bien sûr, on تقدم معنا ان si la fille elle veut se marier avec un tel, فالحمدلله, s'il n'y a pas de مانع. لكن الولي, s'il y a واحد qui ne mérite pas, فلا بد ينظر. Son rôle, il est très très important. قال فإن خطبها واحد فقط وهو كفء ورضي فإنه يجب عليه أن يزوجها بها. Si c'est واحد qui la demande, qui demande cette fille en mariage, et il est capable, et elle est d'accord, c'est obligé pour le wali d'accepter. Ça nous montre أن الولي n'a pas le droit de s'opposer بغير حق. Comme ça arrive كثيرا. كم من البنات حصل لهم ظلم à cause de بعض الأولياء. عياذا بالله, إما عصبية إما جهل, sans tête, avec des coutumes, il a arrêté, ils privent leur fille de se marier avec un tel alors qu'il était capable, et alhamdulillah, il avait les conditions pour. قال وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسؤولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولاه الله عليها, فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها. Nasihatun min ash-Shaykh al-Uthaymeen pour l'awliya, ay pour que ce soit le père ou autre. Lakin la base, c'est le père. Annahu, le père, il doit se rendre compte anna cette responsabilité, elle est énorme. Annahu, il regarde pas que lui, bal il doit regarder maslahat sa fille. Anna, c'est pas lui qui va se marier. Enfin, le père, il doit pas regarder que l'argent, que l'apparence. Là, ça y est, anna, le choix de cette femme, et kadalik le choix de l'homme, annahu, c'est basé sur din. Enfin, le père, il doit regarder al-aslah pour sa fille, al-aslah pour sa fille, c'est din. Enfin, si c'est un homme qui est à la sunnah, khassatan, il est à la ilm, et il demande, enfin, c'est une maslaha kabira pour la fille. Wallahi, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Qala, wala yahillu lah ihtikaruha, na'am, ihtikaruha li aghradihi shakhsiyyah. وتزويجها بغير كفئها من أجل الطمع فيما يدفع إليه. وهذا ساري أن تلوم مثلا يدن با à le père de cette fille de l'argent, et le père il refuse. Pour qu'il marie sa fille, il faut qu'il lui donne de l'argent. هذا لا يجوز. سيأتي معنا أن المهر, c'est pour la fille. أما le père, sa fille, c'est pas de la marchandise. Sa fille doit la marier à la kitab Allah wa sunnat Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une maslaha azima. Et c'est pour appliquer son din. Amma wa'aduhum iyadan billah, leurs filles, ils les ont rendues comme des marchandises. Enfin, si wahad il donne, il le marie. S'il ne donne pas, il ne le marie pas. Et rubbama yakdhib alayhi. Wallah musta'an. Et on finira la fin de ce fasl, et on essaiera dans le prochain cours de rajouter des masa'il importantes. Wa billahi tawfiq. Subhanak lahum hamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.